Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce que disait donc, Bertrand Mattat, les grosses industries, c'est parler du contexte de la montée en puissance du bois énergie en Aquitaine. Hein, on l'a estimé avec la DRAF et puis l'ADEME à peu près 1,5 million de tonnes supplémentaires de bois. Donc c'est important, c'est beaucoup les grosses chaufferies hein, type industriel, hein, et voilà, qui est plutôt de l'ordre de 100 000 tonnes. Et puis là, effectivement, après, il y a tout le travail de chauffage collectif. Hein, et là, on descend à 10 000 tonnes, voire 5 000, voire ce matin, il y avait quelqu'un de Mesos, hein, 150 tonnes, mais ça m'aide le. Aussi c'est peu de volume, mais aussi c'est aussi de la valorisation locale. Donc il y a ces dimensions au niveau chaufferie. Et effectivement, nous, au niveau forestier, avant de démarrer, on a beaucoup travaillé sur l'augmentation de la productivité de nos forêts. Alors, on est passé de 5 à 15 mètres cubes par hectare et par an. Hein, avec les vergers à graines, l'INRA et la Faucelle ont travaillé sur améliorer le. Et on voit dans les années à venir, comme il y a plus de CO2, les arbres vont pousser plus. Et après, ce qui va manquer avec le réchauffement climatique, ça va être l'eau. Le facteur limitant, ça va être l'eau. Donc nos pins vont pousser. Il y a 20 ans, on élaguait les bois. On voulait du bois sans nœud. Hein, ceux qui ont visité Plantier pour du lambris. On a lancé une expérimentation avec le Limousin et Normandie pour essayer d'innover en matière de mobilisation auprès des propriétaires, mobiliser du bois supplémentaire. Donc on a lancé Mouva Pro, la mobiliser du bois supplémentaire en valorisant et surtout en motivant nos propriétaires. Donc on va présenter quelques points concrets hein, de démarche collective, comme l'a dit Bertrand, sur des territoires précis. Donc je vais rappeler, je vais aller vite hein, parce que pour avoir la place aux questions. Et tout d'abord, nous forestiers, c'est la gestion durable des forêts. Avant de parler de mobilisation, on essaye de voir ce qu'on va faire avec les propriétaires, comment ils envisagent, on a parlé de forêts irrégulières, mais aussi de forêts régulières, hein, souvent pour simplifier, pour vulgariser les méthodes. Si le propriétaire le décide, avoir de l'irrégulier. Après, notre deuxième mission, c'est regrouper les propriétaires. Hein, je suis content qu'il y a Bertrand Hardilouz qui a innové en matière aquitaine, qui a créé une SIC, une société collective d'intérêt commercial. Coopérative d'intérêt collectif. Merci, c'est difficile à retenir. Voilà. Mais il y a d'autres formes, il y a plein de formes. Il y a des ASL, des OGEC, les coopératives. Il y a aussi les ASL, il y a toute une liste. Mais notre objectif, c'est de regrouper les propriétaires, ce qui sont nombreux, et bien sûr de vulgariser les méthodes de sylviculture. Hein, avec ce qu'on a appris à l'école et puis aussi les forestiers et puis un petit peu par le ministère de la Culture, c'est développer la gestion durable des forêts, donc, bien sûr. Documents de gestion pour les gros propriétaires. Des plans simples de gestion, hein, comme à l'office, ils ont des plans d'aménagement. Et puis on met en place, on a beaucoup un réseau de parcelles de référence hein, pour avoir des témoins et garder, quand on innove, on aime bien toujours avoir toujours une partie qu'on connaît, voilà, pour ne pas changer tous les paramètres d'un coup. Voilà. Donc bien sûr, la finalité, c'est d'avoir. Bertrand, je crois qu'il l'est. Et les enjeux de la forêt privée sont énormes parce qu'on a récolté en 2012 48 millions de mètres cubes. Et depuis 2008, ça fait que 6 millions de bois supplémentaires. Et on est loin des 20 millions hein, qu'on annonce en 2020 au niveau national. Et comme l'a dit aussi Mercedes, c'est simplement 50%, enfin 57% de l'accroissement des forêts privées. Donc on a de la marge peut faire du bois supplémentaire. Et on voit qu'on regarde les, qu'on fait le total des propriétaires de plus de 1 hectare. C'est quand même important, c'est à plus d'un million de propriétaires pour 8 millions d'hectares. Et en France, en forêt privée, on n'est que 500 techniciens hein, pour toute la forêt française. Donc voilà. Donc notre première action, ben, c'est les plans de développement massif. Hein. Donc là, c'est la carte, c'est arrêté en 2011. Donc il y a le CIFEM hein, qui n'est pas encore inscrit, là, qui est juste en Gironde, là, à l'est de la Gironde, en dessous du Libournais. Et donc on a développé des plans de massifs, il peut aussi des territoires, des chartes forestières de territoire. Hein, Julie Jansoni qui est présent a travaillé là-dessus sur l'Indo-Océan, hein, sur une charte hein, de territoire, forestière de territoire. Et la technique, bon, ben, c'est surtout, c'est souvent donc. Pour mettre en place des actions économiques donc de mobilisation de bois, mais pas que ça, surtout travailler sur l'environnement, sur la gestion durable des forêts, et puis sur le côté social, sur l'emploi, ce que disait Bertrand, là, sur le... qui connaissent moins le... Donc en 2012, on a fait avec les acteurs, et ça on a eu du mal, hein, coopérative, Alliance, c'est une grosse coopérative forestière, les entrepreneurs de travaux, le syndicalisme, hein, le syndicat de la maison de la forêt, les chambres d'agriculture aussi, l'ONF, la société forestière, qui sont présents là sur d'autres ateliers, et l'Union des sylviculteurs du sud de l'Aquitaine, hein, donc la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques, pour 4 points, assurer le revenu des producteurs de bois, pas que le bois est un prix résiduel, hein, on disait Bertrand, on avait même mis sur cette fiche, à la demande du syndicat, 10 à 20 euros la tonne minimum. Hein, et maintenant, on approche de ces chiffres. Et c'est en 2012, hein, on était loin. À cette époque-là, on était plutôt à 5 euros la tonne, voire zéro dans certains cas. Après, c'était veiller à l'économie des acteurs aussi. Il faut pas qu'il y ait, il faut que Laval arrive à avoir une énergie compétitive, on est bien conscient. Donc, c'est entre chutier, mais aussi qu'on regarde, qu'on arrive à contenir les coûts de mobilisation. Et aussi avoir donc un prix aux propriétaires, et puis travailler aussi sur les indicateurs de productivité et surtout de fertilité. Il ne s'agit pas d'enlever tout le bois et puis de raccourcir les révolutions et d'épuiser le sol, il suffit d'avoir une gestion durable. Et donc on a mis en place un monitoring et puis aussi développer le regroupement de l'offre qu'on a fait. Donc on a travaillé en 2013, donc là on a fait des ateliers hein, pour faire 14 fiches techniques, voilà, grâce au financement de la région, de l'État, la DEF. Donc c'était des fiches sur la sylviculture d'aujourd'hui et puis de demain, essayer d'anticiper les tempêtes, tous les risques qu'on a en forêt, comment on peut anticiper ça, et puis aussi travailler sur la fertilité, donc avec PEFC, hein, la certification PEFC. L'énergie, hein, sur les unités du bois énergie, sur les contrats, les plans d'approvisionnement, et la célèbre fiche d'indexation, parce que si on veut contractualiser, hein, c'est-à-dire pas faire un coup une fois, mais à faire année s'engager, hein, ce matin dans les ateliers, c'était aussi, ça a été évoqué, ça, sur la durée, comment s'engager de la durée, hein, il faut aussi avoir des contrats et des formules d'indexation. Et donc on a proposé une formule aquitaine, hein, des acteurs aquitains, avec Bertrand Ardilouz, M. de Montbron et puis M. Madéo, une formule qui sortait du CIB, hein, de la Comité interprofessionnel du bois énergie, mais une formule à nous aussi, pour qu'on, hein, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas écouté. En 2014, eh ben, on a re-signé encore une feuille de route, et puis là, donc, il y a l'Union des communes forestières qui nous ont rejoints, hein, parce que M. Darmenté et puis M. Milou Castan étaient trouvé un petit peu notre démarche originale, pour qu'on travaille sur la notion de bois supplémentaire, qu'on recoupe, voilà, qu'on confirme l'équilibre économique des acteurs, et puis qu'on communique aussi sur les critères de gestion durable. Donc on a défini, à partir de cette démarche, on a mis en place des modules, hein, qu'on va démarrer cette année avec la liste des financeurs qui sont en bas, des logos. qui s'engagent sur des coupes dans le court terme, moyen terme et long terme. Que ce soit vraiment réellement disponible. Comment on mobilise ce bois après au niveau avec des ETF, comment on peut innover hein, donc ce matin on a parlé, ici on a racheté les souches de pain. Donc il y a des croque-souches, mais maintenant aussi avec un ETF, là on a travaillé sur une cycloche hein, pour enlever vraiment le donc après, c'est mettre en place des chantiers pilotes, hein, des données technico-économiques, et puis travailler sur la chaîne de valeur des produits. Et après, comment améliorer la mobilisation et la communication de la démarche. Donc on démarre à Orthez la semaine prochaine, avec une personne qui a embauché sur 4 mois, pour tester sur un type de peuplement une méthodologie donc qui fait à la fois 4 actions en une, c'est-à-dire tout, bien sûr axée sur la sociologie du propriétaire, hein. Donc c'est des enquêtes vraiment réelles avec les propriétaires, tout en faisant un petit diagnostic rapide de leur peuplement. Et après, travailler avec les acteurs, voir différents scénarios, hein, mise en marché des bois, pour avoir vraiment une action efficace. Alors ça, on le sait, on le fait déjà, hein, dans le cadre, là je mettais dans le cadre du PPRDF, du programme pluriannuel de développement forestier avec les centimes des chambres forestières, on a recruté 2 techniciens supplémentaires en Aquitaine, dont un en Dordogne, vous voyez, sud de Périgueux. On a contacté 4500 propriétaires en 2013 et on a eu à peu près rapidement une centaine de fiches diagnostiques rédigées et on a pu mobiliser dans l'année. Et donc des éclaircies, certes, mais aussi des projets de reboisement. 160 hectares de projets de reboisement et des reboisements qui sont faits en 2014, qui sont réalisés. Donc si le peuplement paye le reboisement, donc propriétaire réinvesti, hein, on dit au minimum 20%, hein, comme dans le pain maritime, donc comme dans le programme de gestion, mais sinon on a le conseil général de la Dordogne, finance aussi, hein, pour des châtaigniers dépérissants, on a que 100 terres hectares, on a un mécanisme de nettoyage des parcelles et de reboisement, hein, pour avoir des essences plus adaptées. Alors souvent le châtaignier, on ne le remet pas, hein, souvent c'est du feuillu, soit du chêne rouge, on met du feuillu ou du résineux, suivant l'avis du propriétaire. Là, c'était pour vous montrer un petit peu, pour prospecter en Pyrénées-Atlantique en fonction de la propriété forestière, donc on a analysé le cadastre, hein, vous voyez, donc... Pour les propriétaires de plus de 1 hectare, ils représentent en moyenne 2 hectares, hein, et ils sont très nombreux, et avec 4 hectares, prenant que les 4 hectares, ils ont 10 hectares. Et on a fait un petit calcul tout simple, parce que c'est la rentrée des classes, alors on apprend tout ça, pour prospecter 10 000 m3 de bois supplémentaire, il faut à peu près 30 000 m3, quoi, à peu près, à 60 5 hectares par propriétaire, sans propriétaire. Et comme dans nos plans de développement de massif, il y a un propriétaire sur 4 qui se décide, hein, parce que souvent il y a plein de critères qui... Souvent les propriétaires n'ont pas forcément besoin de financement, ou ne sont pas prêts à couper leurs arbres. Il y en a un sur 4 qui se décide, il faut faire 400 visites. Quoi. Vous voyez, pour 10 000 m3, 400 visites, avec 2 visites par jour, ben, ça fait 2 ETP, quoi. Deux emplois, voilà. Et la prospection ciblée qu'on veut faire dans le cadre de Mova Pro, on va essayer de... En 15 jours, c'est le défi qu'on a comme ambition pour essayer de trouver 20 propriétaires qui se décident à mobiliser sur 5 hectares, et 20 propriétaires de 5 hectares, donc 600 à peu près à 60 mètres cubes hectare, ça fait 6 000 mètres cubes, et on s'est donné un objectif de 10 000 pour voir si vraiment, en faisant que la mobilisation, on arrive à dégager un court temps, une durée assez courte, 15 jours voire 3 semaines, essayer d'avoir 10 000 m3 de bois supplémentaire. Après, avec la Normandie, on a travaillé sur la desserte, hein, parce que souvent on parle mobilisation, mais souvent la desserte n'est pas adaptée. Hein, donc on a un petit logiciel qu'on va développer avec la Normandie, hein, en fonction des cartes d'épeuplement, du morcellement et de la desserte existante. Puis il y a un travail qui est fait donc en fonction du schéma de desserte, donc c'est ce logiciel qu'on fera peut-être en test. Sur le territoire de l'Indo-Océane, hein, puisque l'Indo-Océane vient de faire un schéma de desserte. Donc on a l'existant et voir comment on peut améliorer ce schéma de desserte en fonction de la mobilisation des bois. Et puis aussi, on va travailler avec le Limousin parce qu'ils ont un savoir-faire sur le regroupement, non pas foncier, pas regroupement foncier, mais vraiment de mise en marché des bois, hein. Donc ils ont créé l'ADELI, l'association syndicale, qui travaille avec voilà, 5 propriétaires sur 15 hectares de coupes d'amélioration, essayer de. Pour la chimie aussi, c'est un marché qui fonctionne, puis pas de chauffage, le bois utilisé localement. Donc voilà, pour résumer, pour ne pas être trop long, donc voilà nos objectifs, la démarche qu'on propose de Movapro, c'est toujours bien respecter ben, le choix du propriétaire de l'itinéraire technique, hein, donc d'avoir une forêt mieux adaptée aux enjeux de demain, hein, aux enjeux de demain par l'échauffement climatique, mais aussi par la demande supplémentaire de bois. Hein. Donc peut-être raccourcir les révolutions, avoir vraiment une forêt qui est équilibrée, alors en futaie régulière ou irrégulière. Hein. Et après, donc ça, donc avoir une prospection très, très efficace donc auprès des propriétaires pour que. Travailler avec l'ensemble de la filière, pas s'arrêter au mobilisateur, mais aller au transporteur et puis au transformateur, aux petites chaufferies, mais enfin à tous les utilisateurs de la forêt, pour essayer de regarder les coûts, comment on peut contenir les coûts de mobilisation pour proposer aux propriétaires une valeur de bois, non pas. Ben, si ils sont supérieurs au coût de revient de la sylviculture. Hein? Donc 10-20 euros, comme on les avait calculés, ben, c'était un mètre cube vendu. On investit une plantation 1000 euros, le sol 1000 euros, et ben, à 20 ans, il faut au minimum vendre 10-20 euros la tonne. C'est vraiment le coût de revient sans bénéfice. Hein? Donc voilà. Donc l'idée, c'est de travailler sur la chaîne de valeur, hein, de mettre en place donc, des chantiers pilotes pour qu'on puisse voir une juste valeur. Et donc, pour l'objectif final, c'est vraiment de nous gérer durablement nos forêts, les énergéticiens travailler sur, ils investissent sur 20 ans, nous aussi, donc ça tombe bien, donc autant essayer de contractualiser, hein, essayer. Rapidement dit, comment on vous propose de valoriser mieux nos forêts et produire plus pour, hein, alimenter vos chaudières. Merci.